Chapitre 16e, le combat. Le lendemain, au point du jour, les bombes et les boulets pleuvaient sur Saint-Malo de toutes les batteries de la flotte anglaise. Une des premières bombes creva la voûte de la cathédrale et brisa le grand vitrail du chœur. « Bel ouvrage et lestement travaillé, » dit notre moine. « Dès le grand matin, » ajoute-t-il, « presque toutes les femmes et enfants avaient vidé la ville. On ne voyait dans les rues que charrettes du monde qui délogeaient et gens chargés qui emportaient avec eux tout ce qu'ils pouvaient. Ce fut un spectacle bien pitoyable. » Tandis que les Malouins, aux prises avec l'incendie et la mort, ripostaient à l'ennemi de tous les canons de leur rempart, une flottille de corsaires quittait le port sous le feu de l'escadre anglaise pour aller tenter au dehors une diversion redoutable. À la tête de cette flottille s'avançait la Gabrielle avec son pavillon béni de la veille et empressée de recevoir le baptême de sang. M. Trouin, en grand costume, le porte-voix à la main, le poignard et les pistolets à la ceinture, se dressait au milieu du banc de car dominant tout son équipage de ses beaux cheveux blancs. À sa droite se tenait Luc, surveillé par le vieillard, armé comme lui jusqu'aux dents, le visage pâle, mais la contenance assurée, décidé à mourir s'il le fallait pour obtenir le pardon de son père. Quelques larmes brillaient encore dans ses yeux, dernière trace de l'orage qui venait d'éclater sur sa tête. Mais la mitraille volant autour de lui sécha bientôt ses larmes, et M. Trouin lui-même fut surpris de la fermeté de sa voix lorsqu'il lui fit répéter le commandement de branle-bas de combat. La Gabrielle doublait en ce moment la pointe de Dinard et Luc avait vu un mouchoir blanc s'agiter à la fenêtre de Marie-Ange. Au même instant, comme la goélette lançait sa première bordée au vaisseau anglais, une écoutille du gaillard d'arrière s'ouvrit, une tête aux longs cheveux parut sur le pont, deux mains armées de pistolets s'y cramponnèrent, un nouveau combattant se joignit à l'équipage et M. Trouin reconnut son fils René. Le vieux corsaire faillit tomber à la renverse et oublia son navire, les Anglais et le monde entier. « Encore !» s'écria-t-il d'une voix plus tonnante que celle des canons. Et s'élançant, noir de colère sur René, il allait l'écraser de son porte-voix, si le jeune homme n'eût gagné la une avec l'agilité d'un écureuil. Du haut de cette tribune inaccessible, il raconta comment un génie tutélaire avait ouvert sa prison. La veille au soir, il s'y débattait depuis 10 heures, comme un lion dans sa cage, tenté de se briser le crâne sur les murs à chaque coup de canon, lorsque le chef des recors en personne était venu lui dire « Vous êtes libre !» Un inconnu, agissant en son nom, avait couru chez ses créanciers payer toutes ses dettes et avait apporté au greffe une main-levée générale. Duguay soupçonnait bien le mot de cette énigme, mais ce secret resta au fond de son cœur. C'était l'Indienne, sans doute, cet ange gardien qui entrait dans son rôle. Quant à son intrusion à bord de la Gabrielle, il avait gagné l'entrepont par un sabord et passé la nuit dans la cale avec les gargousses. René termina par demander grâce à son père pour sa fuite de camp, ses lettres, ses courses, son rôle de la veille, en un mot, pour toutes ses fredaines passées et présentes, jurant de se comporter désormais en véritable héros si l'on daignait lui en fournir l'occasion, mais déclarant qu'il aimait mieux se faire tuer par les Anglais que de porter jamais la robe et le bonnet d'avocat. Cette confidence mit tout l'équipage du côté de notre héros, mais ne fit que redoubler la fureur de M. Trouin. Il répondit par une explosion de menaces et de jurements formidables, appelant tout le monde à son aide pour y joindre les coups. Mais René devait lui épargner la peine de le forcer dans son dernier retranchement. Voyant un boulet frapper l'artimon, il se précipite sur la dunette, vole à son père et reçoit à sa place une vergue qui allait l'écraser. Lui-même tombe sur l'angle des lys, il déchire sa blessure de la veille, se relève sanglant et tend la main au vieillard. Eh bien, telle était la colère de M. Trouin qu'elle étouffa sa bonté. Son premier mouvement fut d'ouvrir ses bras à son fils, mais le voyant sauf et souriant, il lui enleva son épée et le fit garrotter dans l'entrepont. Toute son autorité suffit à peine à obtenir cette violence de l'équipage. René pleurait de douleur, les matelots pleuraient de pitié, Luc sanglotait à deux genoux. Tout fut inutile, le vieux capitaine détourna la tête, remonta sur son banc de car et ordonna l'abordage d'une frégate ennemie. Quand les deux navires se choquèrent en se mitraillant à bout portant, on entendait encore René crier d'une voix déchirante « Mes armes, mon père, rendez-moi mes armes !» Quelques minutes après, M. Trouin reçut une balle au front et perdit connaissance. Son dernier regard vit tomber son pavillon, ses matelots renonçaient à le défendre et les Anglais vainqueurs se ruaient sur son vaisseau. Il fit un effort désespéré pour se jeter à la mer, mais il ne put y parvenir et sentit des mains anglaises lui arracher son épée. quand il revint à lui, quel fut son étonnement. Au lieu des Anglais, il vit ses deux fils à ses côtés, ses matelots triomphants, son pavillon relevé, la frégate reprise et les ennemis rendus. Duguay venait de faire ce miracle après avoir brisé ses liens. Électrisé par son exemple, Luc l'avait secondé en fermant les yeux et tous deux, blessés à la poitrine, mais par bonheur aussi légèrement que leur père, lui présentaient avec son épée celle du capitaine anglais. M. Trouin crut mourir de joie. Il tomba tout en pleurs dans les bras de ses fils en balbutiant « Mes enfants, mes dignes enfants !»« Maintenant, me pardonnerez-vous ? » demanda René, « et me rendrez-vous mes armes ?»« Non seulement je te pardonne, » répondit le vieillard, « mais mon épée sera désormais la tienne. Je te cède le commandement de la Gabrielle. » Et montant aussitôt sur le brandecar, au milieu des acclamations de l'équipage, notre héros ramena en triomphe à Saint-Malo son navire et sa prise.